Le Kairouan, le collège d'Antoura, son hospitalité, le vin d'or. C'était au lendemain qu'était fixé mon départ de Beyrouth. J'allais prendre congé de M. Lascaris. « Je vous ai préparé, me dit-il, une lettre d'introduction près de M. B., un des principaux habitants français de Tripoli. C'est un savant, un homme du plus grand mérite, et ce qui ne gâte rien, un des plus charmants esprits que je connaisse. » M. B. vous donnera, mieux que je ne pourrai le faire, des renseignements précieux et un bon itinéraire pour vous rendre au cèdre. Il ne me reste qu'à vous adresser le souhait castillan. Vaya con Dios. Je remerciai vivement mon aimable hôte et, suivi de mes deux moucres, je pris la route d'Antoura. Il y avait une heure environ que nous marchions sous une chaleur accablante, lorsqu'un de mes hommes me vint prévenir que nous arrivions à l'endroit où généralement on fait la première halte. En effet, au milieu d'un bouquet d'arbres, je vis surgir la flèche d'une chapelle bâtie dans le pur gothique flamboyant, une échappée du parc de Windsor. Mon étonnement diminua lorsque je sus qu'elle était consacrée à Saint-Georges d'Angleterre, le patron de Guillaume d'Aquitaine, qui mourut en combattant pour le Saint-Sépulcre. Notre halte terminée, nous nous engageâmes dans d'immenses plantations de mûriers, et peu de temps après, nous traversâmes le Nahr el-Liban sur un pont romain assez bien conservé, grâce à l'usage des orientaux de traverser les rivières à gué. De l'autre côté du fleuve, j'entrai en plein Kairouan. L'aspect de ce pays riche et cultivé, parsemé de nombreux villages, surprend d'abord des yeux habitués à la désolation des campagnes possédées par ces Turcs, dont un proverbe dit que là où ils posaient le pied, la terre restait stérile pendant 7 ans. C'est que dans ce coin de terre s'est retiré un peuple actif et courageux, le peuple chrétien des Maronites. Chacun des sommets, qui en s'échelonnant forment le versant de la montagne, est couronné par un de leurs villages ou de leurs couvents. Les moines maronites, travailleurs assidus, fertilisent à la sueur de leur front un petit rayon de terre autour du couvent, comme le paysan autour du village, en sorte que tous ces petits rayons, en s'élargissant, ont fini par se rencontrer et couvrir la croupe de la montagne. Le premier travail a été rude et difficile. Il fallait soutenir chaque plant de vigne par une terrasse. Il fallait briser le rocher pour le remplacer par une terre meuble et fertile. Il fallait, en un mot, vaincre, à force de persistance, la rébellion d'un sol qui ne devait porter que des forêts de pins et de cèdres. Aussi rencontre-t-on à chaque pas, à côté du champ de blé, quelques monticules couverts de bruyères et semés de grands pins parasols. La natura pré-primitive de la montagne se fait jour à travers la robe de culture, dont l'industrie de ses habitants l'a revêtue. Les vignes, les mûriers et les champs de blé ont envahi les pentes du Liban, et la fertilité, chassée des plaines par le musulman vainqueur, semble avoir suivi le chrétien sur la montagne pour s'y défendre et s'y maintenir. Le soleil venait de disparaître derrière les crêtes les plus élevées, le Nahr el-Kelb au loin semblait un long ruban d'argent, et je voyais déjà se dresser le sombre rocher sur lequel est placé le couvent d'Antoura, collège de lazaristes où je devais passer la nuit. Nous pressâmes un peu l'allure de nos chevaux, et bientôt après, nous tintions à la porte du couvent. L'arrivée d'un voyageur, français surtout, est un événement dans le collège. Quelques-uns des pères lazaristes sont nos compatriotes et apprennent à leurs jeunes élèves maronites, outre l'arabe littéral, le français et l'italien, l'amour de la France, leur antique protectrice au jour de la persécution. Nous entrâmes dans une vaste cour plantée d'énormes orangers, où j'abandonnais moucres et chevaux aux soins des frères laits. Les religieux me conduisirent de suite au réfectoire où m'attirait une séduisante odeur de mouton rôti. Après le repas en commun pendant lequel un enfant lut à haute voix quelques passages du discours sur l'histoire universelle de Bossuet, nous entrâmes dans la bibliothèque où devait s'achever ma soirée. Les bons pères m'avaient préparé sur une console une respectable bouteille de ce vin du Liban, fameux dans le pays sous le nom de vin d'or. C'est un vin parfaitement transparent, d'une belle couleur jaune, et qui a quelque rapport avec le vin de Madère très sec. Un chibouk garni d'excellent tabac de Djebail me fut apporté par les soins d'un jeune élève qui me l'offrit avec un léger accent parisien dont j'eus l'âme délicieusement remuée. Comprenez, vous qui me lisez, cette émotion, si jamais vous l'avez ressentie. Je remerciai l'enfant de mon plus aimable sourire. Appuyé contre la fenêtre d'où je voyais au loin scintiller la Méditerranée, je passais là, en compagnie de quelques religieux, une soirée dont la douce sérénité ne pourra jamais s'effacer de mon souvenir. Les religieux m'apprirent, dans le cours de la conversation, qu'ils n'avaient pas toujours possédé cette maison. Elle fut, à ce qu'il paraît, fondée par les jésuites qui voulaient la peupler d'étudiants maronites et grecs latins, mais leur séminaire resta désert et les lazaristes les remplacèrent vers la fin du siècle dernier. Depuis ce temps, la maison n'a fait que prospérer. Je parlais de Paris, de l'état de la littérature actuelle et quelque peu politique, pour satisfaire la curiosité des bons religieux. Enfin, vaincu par le sommeil et la fatigue d'une journée passée dans les montagnes, je me retirai dans la cellule qui m'était destinée. Le lendemain, je quittai le collège d'Antoura, laissant au souvenir au bon père un volume de ma bibliothèque volante, Les Pensées de Pascal, et toujours suivi de mes deux moucres que je ne devais quitter qu'à Tripoli, je me dirigeai vers Beyromar, où je reçus le soir même un abri. Ce couvent s'élève sur le plus haut sommet des monts Kairouan, dans le Liban méridional. J'y passai quelques heures seulement, et je partis le jour naissant pour Tripoli, que je désirais atteindre avant la nuit. En effet, après une journée fatigante et peu accidentée, après avoir côtoyé Djeba et les traversé le village de Kalomone, j'entrai à 6 heures du soir dans le chef-lieu du Pachalik.